ルーは難しいぞ。 ありがとうチェリー。 がんばった。 そういう質問にはノーコメントだし。 マンガリモード見ぼさめ Ils m'ont foutu, mais y'a un mais Ils ne savent pas ce qu'on pense de à l'ouest Ils ne savent pas qu'on pense que c'est eux les best Manga du monde, ils sont nombreux Ils ont du monde autour de c'est encore mieux Dans le Japon, là-bas, ils s'éclatent Pendant qu'à l'ouest, nous on tente de les voir Azuka et Misato, Charlotte, Hiro, Totoro, Akira, Tetsuo, Kei, Salamé, Pikachu, Nako, Lulu, Molly, Kazan, Goku, Uma et Vegeta, Noriko, Ikazu, Hirama, Kenta, Iruya, Kame. Manga du monde, il y en a pour tous, il y en a pour les mômes et les loups. Ils ont des scénarios tantôt prises de tête, ou bien tantôt juste pour y gueuler. Manga du monde, ils tentent d'entrer, ils tentent d'entrer dans notre France, mais ont des difficultés. Mais nous à l'est, la guerre on la fera, on se battra pour légaliser ça. Paye Valentine, Spike, Rally et Pimini, mais Sakura, Domo, Yosha, Ola, Mila, Igami et Pimo, Toko, Ryu, Ketchum, Mikami. すごい。